Mais les 2000 francs de Lisbeth, qu'est-ce? Tout pour elle, rien pour nous. Alors la cousine nous a parlé, tu sais, Hortense, de Madame Marneffe, qui par un amour-propre, devant tant au baron, ne prendrait pas le moindre intérêt. Hortense a voulu mettre ses diamants au Mont-de-Piété. Nous aurions eu quelques milliers de francs, et il nous en fallait 10 000. Ces 10 000 francs se trouvaient là, sans intérêt, pour un an. Je me suis dit, Hortense n'en saura rien, allons les prendre. Cette femme m'a fait inviter par mon beau-père à dîner hier, en me donnant à entendre que Lisbeth avait parlé, que j'aurais de l'argent. Entre le désespoir d'Hortense et ce dîner, je n'ai pas hésité. Voilà tout. Comment Hortense, à 24 ans, fraîche, pure et vertueuse, elle qui est tout mon bonheur et ma gloire, que je n'ai pas quittée depuis notre mariage, peut-elle imaginer que je lui préférerais quoi? Une femme tannée, fanée, panée, dit-il en employant une atroce expression de l'argot des ateliers pour faire croire à son mépris par une de ces exagérations qui plaisent aux femmes. Ah, si ton père m'avait parlé comme cela! S'écria la baronne. Hortense se jeta gracieusement au cou de son mari. Oui, voilà ce que j'aurais fait, dit Adeline. Venceslas, mon ami, votre femme a failli mourir, reprit-elle gravement. Vous voyez combien elle vous aime. Elle est à vous, hélas. Et elle soupira profondément. Il peut en faire une martyre ou une femme heureuse, se dit-elle à elle-même en pensant ce que pensent toutes les mères lors du mariage de leur fille. « Il me semble, ajouta-t-elle à haute voix, que je souffre assez pour voir mes enfants heureux. »